Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous fermerons pas les yeux face à ton génocide. Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermerons pas les yeux. Nous sommes la génération Palestine. Pour son drapeau, oui, nous nous levons. Car la Palestine cristallise en elle toutes les injustices de ce monde. Nous sommes la génération Palestine. Et non, jamais nous n'abandonnerons. Car jusqu'à ce que la Palestine soit libre, nous nous unirons et nous chanterons. Génération Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermerons pas les yeux face à ton génocide. Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermerons pas les yeux. Sans prendre position, pas d'antisémite sur la version. Mais qui prétend faire du reggae sans prendre position? Palestine vaincra. Mais pas besoin de longs discours, non, tout est clair. Quand l'histoire de l'homme ne cesse de se répéter. Quand l'oppressé devient l'oppresseur, quand son moralité est le moralisateur. Mais même les résolutions de l'ONU n'empêchent pas le sang de couler. Pourquoi deux poids deux mesures? C'est la question que l'on vient vous poser. En réponse, plus de manipulation, plus de mensonges et de colonisation. Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermons pas les yeux face à ton génocide. Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermons pas les yeux. Génération Palestine, Palestine, oui. Sachez que nous ne sommes pas contre Israël. Palestine, Palestine, oui. Nous sommes pour la reconnaissance de l'État palestinien. Génération Palestine, Palestine, oui. Nous sommes contre la colonisation. Palestine, Palestine, oui. Qu'elle soit là-bas ou ailleurs. Nous sommes pour l'autonomie des peuples. Pas de justice, pas de paix. Justice, égalité. Prendre position. Palestine vaincra.